salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 88e Vampire Fix, Ludwig Von. Chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Et oui, c'est Spike. Et vous arrivez dans la 88e Vampire Fix, la Ludwig Von. Je passerai un petit extra à la fin. Enfin bref, c'est pas une spéciale, mais pas loin. Bientôt la dernière, hein, plus que deux émissions. Merci pour tous vos messages et dédicaces. Chaque fois que j'échange un petit message avec vous, ça me touche beaucoup. On commencera tout de suite cette émission avec Dr. Feel Good de Motley Crue. C'est aussi le titre de leur cinquième album sorti le 1er septembre 1989. On retrouve TNT, Terror in Timbletown, Without You et Sticky Sweet. Un album qui vit bien, que dis-je ? Un classique de chez classique. On continuera avec une nouveauté, Time Attack, le nouveau Smash It Combo, enfin nouveau. Et c'est l'album Playmore qui est sorti le 24 mars 2015, mais bon, je viens de le recevoir. Donc dedans, on retrouve In Game, Baka et Le Vrai du Faux. Un excellent album. Allez sur la page Facebook de Smash It Combo. Ils sont aussi sur Bandcamp. On peut commander les CD directement sur Bandcamp. Un petit like au passage. On continuera avec Movie Star de Scaramucci. C'est sur l'album Return of the Ragamuffin, sorti en 2007. On retrouve Rise and Shine, No More Babylon et Protect My Soul, entre autres. On continuera avec Let's Go to Hell de Doro. C'est extrait d'un EP, Let's Go to Hell, sorti le 1er avril 2016. On retrouve Love Gone to Hell en trois versions, ainsi qu'un duo avec Lemmy, It Still Hurts, et Rock Till Death avec Hans Kirsch de Blind Guardian. Et on finira ce bloc en live, avec du son live du moins, avec Lionheart de Gravedigger. C'est sur Live in Moscow en 2003. On retrouve Son of Evil, Sacred Fire et Excalibur. Du lourd. rien ne sera pareil. Une sorte d'écho, de distorsion, un peu comme un effet papillon. Mon plan est parfait, je suis un schéma complexe. L'objet de toutes mes missions en fait est rarement concret. Tout le monde s'en tape, tout le monde s'en tape. Je suis l'archétype de l'anti-héros. Un réacteur me tombe sur la gueule, j'ai l'impression d'être Donnie Darko. Moi je veux changer, changer. Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. I love you in every way. yes, a nice plus you're intelligent. Always look at in any garment. Light up the world, girl, you have the talent. Everybody tell you, say you're excellent. Have the right manner and a clear conscience. Look at in your garments. Because you hear it from me, say you a star. TV station, I photograph you from afar. And with you, everybody wanna be. In all your world, you don't even feel free. But I know you wanna be with me. But from a distance, your eyes I see. I wanna love you, wanna kiss you, wanna hug you, wanna keep you. Just only for me. She don't wanna be celebrity. She don't wanna join the Hollywood family. But that girl have the ability. And I tell you, say she full up her quality. She not gonna suck up in her quantity. That's why me want a family. I want she walk by, everybody them a cry. All I run out and I shout out aye. She real sexy, you know, say I'm a lie. And she make the man a weep and die. But me know, say she love I and I. I know by the Désolé Sacra, mais moi j'aime bien les sons crades. Vous êtes toujours dans la Vampire Freaks 88, Ludwig Von, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire Dr. Feelgood de Motley Crue, Time Attack, le nouveau Smash It Combo, Movie Star de Scaramucci, Love's Gone to Hell, le nouveau Doro, et Lionheart de Gravedigger en live. Ouais, désolé, le son est un peu cradoc, mais moi j'aime bien. On continuera cette émission avec Really Got Me de Van Halen. C'est une reprise des Kinks, c'est sur l'album Van Halen, leur premier album, sorti le 1er février 1978, on retrouve Running with the Devil, Atomic Punk et On Fire du son culte. On continuera avec Fuck You, le nouveau Toxic Frog, c'est sur l'album de Marmaid Song sorti le 30 janvier 2017. On retrouve Scott Is Back de Marmaid Song et Criminal Heart, un excellent album. Allez sur la page Facebook de Toxic Frog, et ils sont aussi sur Bandcamp. Et c'est une dédicace pour Johanna qui nous écoute sur sa radio favorite en Normandie. On continuera avec Release the Hostage de Nodefix, c'est sur l'album Having Petting Zoo sorti en 1996. On retrouve Obophobic, Hot Dogs in a Hallway et The Back and the White. The Black and the White, pardon. On continuera avec une nouveauté, No Peace, le nouveau Reagan Cowboy, c'est sur l'album Cowboy Code, sorti le 5 mai 2017. On retrouve ils sont québécois. On retrouve One More Time, Robocop et Back to You, un excellent album. Allez sur la page Facebook de Reagan Cowboys, ils sont aussi sur Bandcamp et vous pouvez commander les albums, CD, vinyle, tout leur merchandising sur le Bandcamp. Et on finira ce bloc en live avec Inner London Violence de Bad Manners, c'est sur l'album Sky and Bee, sorti en avril 1980. On retrouve Here Come the Major, Fatty Fatty et Willy Bully du son Kilt. have a beer. It's on me. Has anyone ever told you that you look like a star? Could it sit at the bar? So I drink, 'cause it makes me happier than being alone. My good friend Johnny Walker keeps me warm like a gun. Everybody's got something I have not, a reason not to die. Death to Mr. Right, 'cause that's not me. Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. The love that we have was hardwired. Vous êtes toujours dans la 88e Vampire Fix, Ludwig Von, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter You Really Got Me de Van Halen, le Fuck You, le nouveau Toxic Frog, Release the Hostage, No FX, No Peace, le nouveau Reagan Cowboys, allez sur la page Facebook de Reagan Cowboys, Inner Light and Violence en live de Bad Manners pour finir. On poursuivra cette émission avec une exclue et même une nouveauté. C'est Awake de Anton Norwell Experiment. C'est sur l'album de Dark Part Side of Heaven qui sort cet été. On retrouve The Pass, Memory of Shadows et The Light of the Stars. Allez sur la page Facebook de Anton Norwell. Il est aussi sur SoundCloud. On continuera avec Feel the Thunder de Blue Oyster Cult. C'est sur l'album de Revolution by Night, leur 9e album sorti en novembre 1983. On retrouve Take Me Away, Shooting Shark et Dragon Lady. Ah, je vous gâte en son culte cette semaine. On continuera avec Stop That Train de Peter Tosh. C'est sur l'album Mama Africa, son 6e album sorti en 1983. On retrouve Not Gonna Give It Up, Where You Gonna Run et Mama Africa, un classique de chez classique. On continuera avec Punishment Park de Indochine. C'est sur l'album Le Baiser, leur 5e album sorti le 5 février 1990. On retrouve Des Fleurs pour Salinger, Les Plus Mauvaises Nuits et la Colline des Roses, pardon, du bon son français. Et on finira ce bloc en live avec Breaking the Habit de Linkin Park. C'est sur l'album Meteora, leur 2e album sorti le 25 mars 2003. On retrouve Forwards, Easier to Run et From the Inside. Leur dernier album est plutôt moyen, One More Light, et pas terrible. Thank you. Through the night. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Just to try their best, and I say some living big, but for most they're living small, and they can't even find no food at all. I say stop that train, I'm leaving, got to leave. Stop that train, I'm leaving, I can't take it. Stop that train. Stop this train, stop it for me. Won't be too long. Whether I'm right, whether I'm right, whether I'm right, right or wrong. Turn these lights off. That one too. Go away. Put those up. Vous êtes toujours dans la 88e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bloc à la cool. Awake, le nouveau et exclusivité Anton Norwell Experiment. Feel the Thunder de Blue Oyster Cult. Stop That Train de Peter Tosh. Punishment Park, de Indochine, Breaking, et on a fini ce bloc en live avec Breaking Gabby de Linkin Park. On continuera avec un bloc là où c'est quasiment que de la nouveauté. On commencera avec Philippe Etchebest, le nouveau Don Choa, c'est sur l'EP Don Choa, sorti le 28 avril 2017. On retrouve Vieille Gloire, Philippe Etchebest, Poche Vide et Kill Them All, un retour gagnant. On continuera, puisqu'on est un peu dans le hip-hop, on continuera avec MC en carton, le nouveau Nawak, et c'est sur l'album Hip-Hop en carton, leur premier EP sorti en 2016. On retrouve Propolution, C'est qui le papa, MC en carton. Ils seront en concert au festival Loire-en-Zic au mois de juin, avec entre autres en tête d'affiche les Fatal Picard. Allez sur la page Facebook de Nawak, N-A-O-U-A-K. De toute façon, je filerai les liens sur la page Facebook de l'émission. Ils seront aussi sur Bandcamp. On continuera avec une autre nouveauté, tranquille aussi, Shadow, le nouveau Igor and the Hippieland. C'est sur l'album Wonderful Circle qui sort le mois prochain, en juin 2017. On retrouve Be The One, The Man With No Name en deux versions et More The Loon, un excellent album. Allez sur la page Facebook de Igor and the Hippieland. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. Allez, puisqu'on est dans les nouveautés, on écoutera Nuit Trouble, Borderline Song, même moi j'arrive pas à le lire, de Morsen 43. Et l'autre, il écrit des trucs et il sait même pas les lire. Donc c'est un single d'un quatrième album à paraître courant 2018. Je rappelle que Talkover est toujours disponible sur Bandcamp à téléchargement prix libre, c'est-à-dire que vous mettez ce que vous voulez comme argent dessus. Si vous voulez payer, vous mettez un des sous, sinon vous tapez 00 et voilà, c'est pas grave. Allez sur la page Facebook de Bandcamp, YouTube, je filerai tous les liens sur la page Facebook de l'émission. Et on finira ce bloc en live et en cassette avec les Naufragés, avec Toujours Vivant, donc c'est de l'album En Concert, sorti en 1995. On retrouve Jean-François Denant, Brûlure, et Lola Nakin Solaman, ICO. Yeah. Ah. Meilleur ouvrier de France, Philippe. Meilleur ouvrier de France, Philippe. Meilleur ouvrier de France, Philippe. Meilleur ouvrier de France, Philippe. Meilleur ouvrier de France, yeah. Meilleur ouvrier de France. Ya, tu m'éniques et je te baisse. Moi c'est Philippe et je baisse. Philippe et je baisse. Philippe et je baisse. Philippe et je baisse. Philippe et je baisse. Tu m'éniques et je te baisse. Moi c'est Philippe et je baisse. J'arrive comme un pilier dans la mêlée. Je suis plus méchant qu'à la télé. La cafetière un peu fêlée. Ils ne veulent pas se rebeller. Philippe et je baisse. Philippe et je baisse. Dominique et je te baisse. Moi c'est Philippe et je baisse. Ta cuisine est sale et t'as bouffé des gueux. Ta chatte a des champignons vénéneux. Putain d'aime si bon qu'à bouffer des queues. J'ai deux fois le rat, j'ai deux fois plus frais que. Ouais, je suis plus frais que ces jeunes PD. Plus frais que tous ces vieux cons de rappeurs. Ouais, je suis plus frais qu'un nouveau né. Plus frais qu'un bébé dans le congélateur. Trop tôt tu parles, trop tu m'emmerdes. Ouais, ok, envoie-moi un email. Défoncé, je roule sur leur grand-mère. Comme si j'étais Benoît Magimel. Te fais pas d'espoir imaginaire. Ils ne peuvent pas copier mes recettes. Comme un chef, tu allais, je les baise. Avec du piment d'Espelette. Tu m'éniques et je te baise. Moi, c'est Philippe et je baise. Philippe et je baise. Philippe et je baise. Philippe et je baise. Philippe et je baise. Tu m'éniques et je te baise. Moi, c'est Philippe et je baise. J'arrive comme un pilier dans la mêlée. Je suis plus méchant qu'à la télé. La cafetière un peu fêlée. Ils ne veulent pas se rebeller. Moi c'est Philippe et je baisse. Philippe et je baisse. Dominique et je te baisse. Moi c'est Philippe et je baisse. Y'a pas de hasard, tout est logique. Je suis un barbare technologique. Je frappe à coup de marteau dans ton crâne et je soigne tous tes problèmes psychologiques. C'est pas la peine d'appeler la police. Non, à peine arrivé, ils périssent. Oh, les grillons, les crames, on les brûle dans les flammes comme les dragons de Daenerys. Je vois des flashs, j'en entends qui rouspètent. Nique la calache, j'ai sorti la 12-7. J'arrive plus bordélique qu'un bolchevique ouzbek. C'est pas Michael, mais ils vont crier ouzbek. Amanates, manatet. À coup de rafale dans la tête. Cacha rafale, il se cache, il cavala. Je crache, ils avale. Dans le conduit nasal, ma cam artisanale. À ton style, il a mal, lyrics archi banal. Nanani, nanana, mais y'a Gianada plus précis que la NASA. Je tire et je te baisse, moi c'est Philippe et je baisse. Philippe et je baisse. Philippe et je baisse. Philippe et je baisse. Philippe et je baisse. Dominique et je te baisse, moi c'est Philippe et je baisse. J'arrive comme un pilier dans la mêlée. Je suis plus méchant qu'à la télé. La cafetière un peu fêlée. Ils ne veulent pas se rebeller. Moi c'est Philippe et je baisse. Philippe et je baisse. Dominique et c'est Philippe et tu bestes. Thank you. Le sommeil n'est encore pas là. Mon cerveau ne se repose donc jamais. Pourtant, toi, tu es toujours là. Moi, de plus en plus, serrinté. Marre de ces visions nocturnes. Toujours tout tué, brûlé ou cassé. Ça me casse franchement les burnes. Je vais finir par tomber. Encore couché tard, avec ses visions de cauchemar. Encore une nuit trouble, au réveil je vois double. À peine fermé les yeux, je tombe de très haut. Et je me retrouve sous le feu. Je sais, je vais pas faire de vieux os. Ça crie, ça court, ça hurle. Et moi je suis bord de là avec ma calache. Dans la nuit, le froid et la burle. Sans vraiment comprendre ce qu'il se passe. Encore couché tard, avec ses visions de cauchemar. Encore une nuit trouble. Au réveil je vois double. D'horreur et de guerre, loin de ma vie réelle, si idyllique, tout ça ne va pas de pair, drôle de vie onirique. Le repos n'est pas là, courir le jour et mourir la nuit, drôle de vie que voilà, c'est par où la sortie? De cauchemar, encore une nuit trouble, au réveil je vois double. Retour au réel, matinal et brutal, avec les idées embrumées, toucher terre est parfois fatal. Dissipons tout ça par la fumée, ainsi qu'un bon café. Pour m'en remettre, il me faut la journée. Envie de tout envoyer pêtre. Heureusement qu'en ces moments-là, tu es à mes côtés. Encore couché tard, avec ses visions de cauchemar. Encore une nuit trouble, Au réveil, je vois double. Nuit trouble. Borderline song. Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Toujours dans la Vampire Frix numéro 88, Ludwig von. On vient de s'écouter, on vient de faire un bon bloc bien cool là. Philippe Etchebest, le nouveau Donchoa, MC en carton, le nouveau Nawak, Shadow, le nouveau Igor and the Hippieland, Nuit Trouble, Borderline Song, le nouveau Morsen 43. Ah, c'est du cool hein, aujourd'hui, cette semaine là, c'est cool. Et on a fini ce bloc en live et en cassette avec Toujours Vivant des Naufragés. On poursuivra cette émission avec International Disease de Dire Straits. C'est sur l'album Love Over Gold, leur quatrième album sorti le 20 septembre 1980. On retrouve Telegraph Road, Private Investigation et Love Over Gold, notamment du bon classique. On écoutera ensuite The Angel and the Beer de Linton Cozy Johnson. C'est sur l'album Making History, sorti en 1984. On retrouve The Great Insurrection, Reggae Fi Radney et The Eagle and the Beer, notamment un classique de ses classiques. On continuera toujours en reggae dub avec Liberté 2 de Dubba Mix. C'est sur l'album Pour qui sonne le dub, sorti en 2014. On retrouve Valsin Dub, Partisan Dub et Pour qui sonne le dub. Il vient de sortir un vinyle de titre. Allez sur la page Facebook de Dubba Mix. Il est aussi sur Bandcamp. Et pareil, vous pouvez commander les CD et vinyles sur Bandcamp. Et on continuera ensuite avec Crownless de Nightwish. C'est sur l'album Wishmaster, leur troisième album sorti le 8 juillet 2000. On retrouve She's in My Scene, Tooth for Tragedy, un Deep Silent Complete, du très très bon son qui vieillit bien. Et on finira ce bloc en live, et oui, je vous l'avais promis, avec Nous sommes des babas de Ludwig von 88. Et oui, c'est une émission cool cette semaine. Et c'est sur l'album Ce jour heureux et plein d'allégresse, leur troisième album sorti en décembre 1990. On retrouve Dans le jardin d'Allah, Paris brûle-t-il et New Orleans, un classique alternatif français. Corner, I'm a thunderstruck. They got free speech, tourists, police, intro.

Desperation and despair, and you can see it all around. Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. tchat. Nous sommes des babas, nous sommes des babas. Nous aimons les fleurs, nous aimons les fleurs. Nous sommes des babas, nous sommes des babas. Viens donc avec nous jusqu'à Katmandou, jusqu'à Katmandou. Nous sommes des babas, nous sommes des babas. Nous faisons l'amour, radio des petites fleurs contre les gentils. Nous sommes des babas, nous sommes des babas. T'as pas les cheveux assez longs. Assis dans les fleurs, nous comptons en cœur. Nous le faisons au fond des cours d'eau. Nous sommes des babas, nous sommes des babas. Peace and love, peace and love. Chanson d'amour. C'est une maison bleue à la colline, on y vient à pied. On ne chante pas ce qui vive là. Bon, je sais la clé. Allez, je suis clair. San Francisco se lève. San Francisco se lève. Allez, Jim Morrison. San Francisco, où êtes-vous? On vient d'écouter Industrial Disease de Dire Straits, The Ingle in the Beer de Linton Cousy Johnson, Liberté 2 de Dubba Mix, Crownless de Nightwish, et on a fini ce bloc en live avec Nous sommes des babas de Ludwig von 88. Et oui, cette 88e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, une émission un peu particulière, mais je vous promets une 90e et une dernière, la DER 100% spéciale. J'ai une petite idée, je ne sais pas encore exactement comment, mais de toute façon, on se retrouvera cet été sur un des Spirits et d'autres radios dont je ne peux pas citer le nom, mais dont les liens sont sur les pages Facebook, sur la playlist de l'émission. On finira cette émission avec Big Boys de Chuck Berry et Tom Morello. C'est tiré d'un album posthume à paraître. Chuck Berry est décédé le 18 mars dernier. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à tous et toutes, la tribu! I wanted to know. I was diable, j'aime beaucoup.